Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Fadjet 94.2. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau, tout nouveau rendez-vous avec mon ami Olivier. Bonjour. Alors, bonjour Georges. Bonjour. Alors, soyez indulgents, c'est notre première fois. Alors, on va vous proposer une émission, ça s'appelle les Papy Pop, parce que nous sommes deux papys. Il faut le dire. Pas encore très très vieux, mais voilà. Entre deux âges, on va dire. On est dans les années 60, au début des années 60. Belles années. Donc on va vous proposer une émission d'une heure à peu près, avec un coup de projecteur sur une artiste connue, et puis un petit jeu sur qui a osé reprendre ce titre en français. Donc on vous proposera les deux versions. Et puis une saga sur des groupes, des producteurs, voilà. Et puis on finit avec un duo, hein. Alors le duo, un duo improbable ou un duo qui a marqué ou. D'accord. On va essayer de s'amuser, hein. Oui. Je crois que c'est le but. D'accord. Donc je vais essayer de lancer la première. Alors attention, parce que les papys n'ont plus une bonne vue. Voilà, c'est ça. Donc on y va avec Eurythmics. Eurythmics. Sweet Dreams, Eurythmics, c'était en quelle année ça, Olivier? Alors, c'était en 1983, et une grande année pour tous les tubes des années 80, en fait. Hein. Et d'accord. C'était Annie Lennox et Dave Stewart. D'accord. Donc, Et il me semble, c'était très nouveau à l'époque, hein, Oui, c'était moderne, très moderne pour l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a marché autant. Ouais. Mais alors maintenant, il faudrait savoir... Qui a osé ? Qui a osé ? Alors, qui a osé massacrer ou sublimer ? Ça sera à vous de nous le dire. Oui, on vous invite à jouer avec nous. Hein, voilà. Rien n'est obligatoire. Oui, mais bon, voilà, si vous c'est voulez. un petit quiz, quoi. Voilà, donc la réponse en fin d'émission. En fin d'émission, comme ça on saura qui a osé reprendre ce classique des années 80. D'accord, bah, c'est l'heure de ta petite chronique, hein, Olivier. Alors ma petite chronique aujourd'hui, alors Georges, je vais te poser une question. Ouais. Qui, à ton avis, fête cette année ses 60 ans de carrière? Sylvie Vartan. Alors aussi, mais c'est pas elle. C'est vrai qu'elles sont plusieurs. Sheila. Aussi, mais alors celle que j'ai choisie, elle est un peu plus pop dans sa façon d'être. Elle est plus, on va dire qu'elle est mieux considérée comme quelqu'un qui a vraiment fait partie de la pop française et même internationale et qui est très bien considérée. Je dis pas que Sheila et Sylvie Vartan sont pas considérées, mais celle-là, elle a un statut un peu particulier. Ah, il me semble que j'ai deviné. Oui. Ça doit être Françoise Hardy. C'est Françoise Hardy, bien sûr, qui est donc qui fête ses 60 ans de carrière, déjà 60 ans. Alors, la petite Françoise, bah, elle est née en 1944 à Paris. Donc, elle vit avec sa mère et sa grand-mère qui sont pas très sympas avec elle. Ah ouais. Ce qui fait que Françoise est un peu introvertie. Elle est très timide et donc elle se réfugie un peu dans la chanson. Elle écrit, elle compose des chansons pour elle, pour son plaisir. Et ça lui permet de s'évader. Ouais. J'ai toujours cru que Françoise Hardy, en fait, elle était issue d'une famille bourgeoise. Non, non. Équilibrée. Alors, équilibrée, pas vraiment, parce que son père est parti. Alors qu'elle était jeune fille. Et son père est parti vivre avec un homme, ce qui est un peu assez... D'accord. Voilà, bon, je ne dis pas que ce n'est pas équilibré dans ces cas-là, mais à l'époque, c'était quand même assez... Et la grand-mère, surtout de Françoise, était vraiment très, très dure, une sorte de Tati Daniel, qui lui disait qu'elle était laide, qu'elle n'était pas belle, enfin voilà, qu'elle se coiffait mal. Et... Donc Françoise s'est réfugiée un peu là-dedans, dans la chanson. Et donc, elle, qui est... timide quand même, elle apprend qu'il y a une émission de variété, ce qui était très rare à l'époque, présentée par Mireille. Alors Mireille, c'est un petit peu une ancêtre de la préhistoire. Des radio-crochets. Des radio-crochets, voilà, ouais. Et Mireille, elle a révolutionné un peu la chanson des années 30-40. D'accord. Et donc elle se présente dans cette émission. Et elle devient vite la chouchoute de Mireille, en fait, qui est assez dure. Elle compose ? Oui, parce que voilà, elle compose. Et donc, Mireille, ça lui plaît, hein, parce que elle voit beaucoup de gens défiler, et souvent ils reprennent des chansons. Alors que Françoise, donc, elle présente déjà une première chanson à elle, et qui plaît beaucoup à Mireille, et qui l'encourage à se présenter dans une maison de disques. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la maison de disques Vogue. Ça existait déjà, Vogue. Vogue, voilà. Et c'est la vedette, c'était Johnny. Et Johnny, Françoise admirait quand elle était jeune Georges Guettari. Georges Guettari, donc, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais c'était un chanteur d'opéra. Voilà, d'opérette. D'opérette. Et qui était, alors, à la fin de sa carrière, il était beaucoup moqué parce qu'il avait une moumoute et tout. Et les humoristes, comme Thierry Leluron à l'époque, rigolaient. Mais quand Françoise découvre Johnny, puis le rock, à l'époque, c'était Salut les copains, hein, c'était tout ça. Elle change carrément d'orientation. Et pour elle, aller chez Vogue, c'était vraiment quelque chose d'important. Parce que Vogue, c'était le papier rose sur le rose. C'est ça. Et donc, elle passe une audition avec. C'était le mari de Petula Clark qui était le grand patron là-bas, Claude Wolff. Donc, c'est le monde est petit finalement. Ouais. Et elle plaît tout de suite. Et donc, son premier 45 tours, il sort donc, en octobre 62. Et c'est Tous les garçons Zelefi, un titre inoubliable. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. De la vidéo, enfin du scopitum, parce qu'on appelait ça des scopitums à l'époque, où ça balance d'en haut en bas à la foire du trône. Alors je ne sais plus où, mais c'était Claude Lelouch qui filmait ça. Claude Lelouch, ouais. Et d'ailleurs, Françoise n'était pas très contente parce qu'il avait filmé sa jupe. Ses dessous, c'est ça. Et lui, on avait profité, voilà. Mais Claude Lelouch avait filmé pas mal d'artistes de l'époque, les scopitons. Donc Françoise, à partir de là, elle devient tout de suite une vedette, même internationale, puisque tous les garçons et les filles deviennent en anglais « Find me a boy », elle fait une version italienne, allemande, et tout de suite elle part en tournée. Donc c'est un vrai tourbillon pour elle. Et donc elle enchaîne les Super 45 Tours, comme on disait à l'époque. Quatre titres. Donc après il y aura l'amitié, mon ami la rose, la maison où j'ai grandi. Enfin, c'est vraiment une succession de tubes. Et elle devient donc une vedette sans frontières. Elle chante partout, même en Afrique, en Allemagne. Elle devient une grande vedette, en Italie. En Afrique aussi, ouais. Elle chante sur scène. Et donc Françoise a une carrière déjà bien installée en 63. En plus de ça, donc, elle est fiancée au photographe star de Salut les copains, Jean-Marie Perrier. D'accord. Donc il a photographié un petit peu... beaucoup même. Ouais, je me souviens d'une photo où elle est à côté de Mick Jagger parce qu'elle lui ressemble finalement. Oui. Et puis alors, ce qui est extraordinaire avec elle, c'est que les stars du moment, donc Mick Jagger, les Beatles, ils veulent tous la voir, ils veulent tous faire une photo avec, ils veulent tous la rencontrer. Et il y a même Bob Dylan qui chante à l'Olympia, donc un soir de 65. Et il refuse carrément de venir sur scène si Françoise ne va pas le saluer. Alors, lui, je ne sais pas s'il avait une idée derrière la tête, hein, mm-hmm. Françoise dans la loge et tout ça. Et il a fallu, alors Françoise toute timide et tout, il a fallu qu'elle y aille quand même, elle a été dans la loge, donc saluer Bob Dylan, je pense en tout bien tout honneur. Et il a pu faire son concert grâce à Françoise. Et puis non seulement donc Françoise devient un petit peu, vraiment déjà en France, c'est une grande vedette, hein, elle chante en direct, ce qui ne sera pas toujours le cas. Et elle va également faire du cinéma. Elle va tourner avec Roger Vadim, Château en Suède, où il y a Yves Montand, Catherine Deneuve. Non, je me plante. Oui. Yves Montand, c'est d'un grand prix. Voilà. Parce que bon, elle tourne deux films, en fait, il n'y en aura pas plus. Mm-hmm. Parce que bon, c'est quand même une grande timide. Et donc, les caméras, tout ça, ça l'impressionne. Et c'est pour ça qu'en 68, elle va décider d'arrêter les tournées. Alors pas d'arrêter la chanson, hein, parce qu'elle serait pas encore avec nous 60 ans après, mais elle se sent gauche, elle se sent trop mal, elle est pas bien sur scène, elle a eu des mauvaises expériences, notamment avec Richard Anthony, qui a essayé de la coincer un coup dans le... Les potins, mais moi j'aime bien les potins. Et d'ailleurs, si on veut bien regarder l'histoire, Richard Anthony, à partir de là, comme c'était Jean-Marie Perrier qui était le photographe de Salut les copains, Daniel Philippe Aki qui était le grand directeur, lorsqu'il a su l'histoire, Richard Anthony a été boycotté de Salut les copains, on ne l'a plus jamais revu à partir de 1966. Hein. Je crois qu'il fait encore partie de la photo du siècle, là, où ils sont tous là, mais après c'était fini. Donc Françoise, donc en 68, eh bien, elle fait un dernier concert au Savoy, quand même le grand cabaret de Londres, et elle rencontre Gainsbourg qui lorgne un petit peu sur toutes les chanteuses, les jolies chanteuses, et donc il prend une musique qui est en fait une adaptation il n'y a pas de paroles en fait sur la musique, et il lui écrit les paroles de Comment te dire adieu, qui est vraiment un gros succès aussi en 68, début 69. À Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe. Malheureux, il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex. Il me semble que cette chanson a été reprise il y a quelques années, mais il y a même longtemps, il y a 35 ans. Jimmy Somerville. Oui, Jimmy Somerville. Alors, je ne sais plus le nom de la chanteuse, mais ça a beaucoup marché aussi. Mais Françoise, elle a toujours inspiré. D'ailleurs, on parlait de Rhythmix tout à l'heure. Annie Lennox a repris aussi Comment te dire adieu une fois sur scène. Charlène Spiteri du groupe Texas a consacré une chanson à Françoise. Françoise, tout simplement. Et naturellement, Françoise est toujours un peu difficile, hein, ce qui fait qu'elle n'aime pas du tout. Elle n'a pas du tout aimé son hommage. Par contre, elle découvre une nouvelle passion après 68, parce que bon, il y a eu mai 68 et les yéyés sont un peu éparpillés. Oui, c'est un peu la fin. Hein. C'est un peu la fin. C'est même la fin. C'est la fin, carrément. Et puis donc, il y a les groupes pop qui arrivent, voilà. Mais Françoise, elle, va enregistrer des albums plus intimistes qui n'auront pas forcément de succès. Et elle se consacre à l'astrologie parce qu'elle adore ça, donc depuis toute petite. Elle va même écrire des livres là-dessus. Et j'ai même l'impression que dans ces années-là, l'astrologie prend un peu le pas sur la chanson. D'accord. Mais seulement, la chanson, un jour, elle entend une nouvelle chanteuse qui arrive. C'est Véronique Sanson. On est déjà en 72. On est en 72, là, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu deux années. Ah oui, par contre, j'ai un petit truc... Une petite devinette pour toi, avant donc de parler de Michel Berger, puisque c'est de lui qu'on va parler. Françoise a enregistré un duo, alors un duo vraiment assez surprenant, avec un acteur très connu, mais qui débutait à l'époque. La chanson s'appelait « T'es pas poli ». Est-ce que tu aurais une idée à peu près de... Parce qu'il y a beaucoup de... un acteur débutant, 70... Rému. Alors, c'est pas Jean Gabin non plus. Depardieu. Alors, c'est très près de Depardieu. En fait, c'est Patrick... Oui, ah, voilà. Devers. Voilà, Patrick Devers, voilà. Ils ont enregistré une chanson qui s'appelle « T'es pas poli », bon, qui dure pas très longtemps. On peut peut-être en passer un petit extrait. Ah oui. Parce que c'est très... c'est rigolo, quoi. C'est anecdotique, mais très marrant. D'accord. Hier on n'a pas fait la vie. J'ai caressé tes cheveux, tu m'as boudé. Non, j'ai éteint la lumière. Il faisait jour, alors je t'ai dit mon amour. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien entendu. Devers en chanteur, c'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment ça. Bien qu'il ait fait un album après, en 78 quand même. Ah ouais, d'accord. Mais bon, là, c'était un petit peu... D'ailleurs, Françoise prend une voix un petit peu enfantine. C'était, ouais, c'était un peu gag, c'était une chanson gag. Hein. D'accord. Non, par contre, ce qui l'intéresse, Françoise, c'est le premier album de Véronique Sanson. Donc, elle se dit même qu'elle ne pourra plus jamais chanter quand elle l'entend. C'est vrai que c'est nouveau. C'est vraiment novateur. Et donc, elle cherche le nom du producteur et c'est Michel Berger. Michel Berger qui est dans la chanson depuis longtemps quand depuis même. Les années 60, depuis les années 60. Que... Avec, je me rappelle de Salon de thé. Oui, La Camomille. La Camomille. Et il est d'ailleurs sur la photo de Salut les copains. Oui, oui. Avec France Gall au-dessus, mais ils ne se connaissent pas. Oui. Voilà, il y a Françoise plus loin. Et donc Françoise, eh ben, elle rencontre Michel. Et donc tout de suite, le courant passe. Donc, alors lui, il veut un album complet. Elle, comme elle est toujours difficile, elle dit non, deux chansons, ça sera bien, parce qu'elle n'aime pas trop les albums concept. Il voulait un album concept, un petit peu, bah, comme il fera plus tard avec Starmania, avec France Gall. Donc là, elle va écrire les paroles, parler du début de la chanson qui va être un énorme tube. Je crois même que c'est dans le top 3 de Françoise, je crois qu'il est numéro 2, je crois, un message personnel. Qui relance un peu sa carrière au niveau des radios, des télés et tout, parce qu'elle était un petit peu pas oubliée, mais... Les chansons passaient plus autant. Beaucoup de chanteuses issues des années 60 et de la période yéyé sont en fin de parcours Même. Hein, voilà, au début des années 70, c'est compliqué pour toutes, hein, je crois. Certaines partent même à l'étranger parce que ça marche mieux en Italie, France en Allemagne. Gall, par exemple, ça sera l'Allemagne pendant 5 ans. En Italie, je crois. Et Françoise, donc, avec Message personnel, bon, c'est une chanson que tout le monde connaît, tout le monde adore. On va peut-être en passer un. Ouais, on l'écoute avec plaisir. Hein, vraiment... En 73, donc. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Toute seule, il m'a laissé toute seule. danser toute seule. Les scarabées dansent, va pas tout dit fouti en sol. Faut que je me trouve maintenant, un crack chinois, mon gars, le prince du pétrole, le roi du bonbon menthol. J'écoute de la musique sous la roule et par terre. Dans un nightclub ou des boules, un funky, funky, funky, funky, funky. Bah, là, c'était pas vraiment message personnel. Hein. Alors là, non, c'était là, j'écoute de la musique soul. Alors donc, je devais être sous quand j'ai programmé. Ou alors, t'as pas pris tes pilules, papy. Ou j'ai pas pris mes pilules. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le message personnel est passé à la trappe. Mais enfin, on va pas vous le chanter parce que. En même temps, comme c'était un message personnel. Bah, ça reste personnel, ça reste entre eux et ça restera entre eux. Enfin, pour le moment. Voilà, donc Françoise donc, retrouve une nouvelle jeunesse, hein, 10 ans après ses débuts. Et puis, alors Françoise, ce qu'elle aime bien, c'est changer. Donc elle aime bien collaborer avec tous les artistes du moment en vogue et tout ça. Et elle rencontre Michel Jonas. Enfin, ils se connaissaient déjà, mais bon, là, ils décident de bosser ensemble sur cette musique soul qu'on donc vient d'écouter. Donc le titre qu'on vient d'entendre, oui. Voilà, donc c'est ça. Et, alors par contre, pour une fois, Françoise, elle qui ne passe jamais dans les discothèques, va faire un petit succès ouais. Sur les pistes de danse. Elle qui n'aime pas danser, ça se voit d'ailleurs ses prestations télé. Elle est toujours aussi gauche, hein, malgré les bons. Tout le monde n'est pas une grande danseuse comme certaines. Mais... personnellement, c'est une de mes chansons préférées de Françoise Hardy. Elle a pas vieilli, hein, elle a 45 ans presque. Ça a été remixé récemment. Oui, un DJ qui s'amusait. Bah, d'ailleurs, il y a aussi le premier bonheur du jour aussi. Puis quelle chanson encore des DJ Bon Entendeur, je sais pas si ça te dit quelque chose, qui ont repris et qui est passé tout l'été d'ailleurs. Je crois que c'était Le Temps de l'amour, il me semble. Alors, Le Temps de l'amour, justement. Françoise a rencontré Jacques Dutronc par l'intermédiaire de la chanson Du Temps de l'amour et donc il file justement le parfait amour et ils se marient en 81, ils ont eu un enfant Thomas, très connu aujourd'hui, hein, ouais. Thomas Dutronc qui est né en 73, donc l'année du message personnel, c'était peut-être lui d'ailleurs le message personnel, et les années 80 sont là, donc la FM est démocratisée, hein, merci Mitterrand, et alors que les autres chanteuses de sa génération sont un peu oubliées, même un peu boycottées, même on veut plus les entendre donc sur les ondes, surtout sur les FM, et ben Françoise elle c'est le contraire, elle enchaîne les tubes VIP, Tamalou, je me rappelle, Tirez pas sur l'ambulance. Et puis en 88, elle en a un petit peu marre de tout ça. Puis elle dit que elle a fait son temps, donc elle veut se consacrer à la production, à la découverte de jeunes talents. Donc elle va essayer de lancer Alain Lubrano, mais qui n'aura pas grand succès. Et puis elle décide quand même de partir. D'ailleurs, la chanson s'appelle Partir quand même, composée aussi avec Jacques Dutronc. Et elle décide d'arrêter, mais de continuer donc à produire et d'écrire pour Jean-Pierre Madère, par exemple. Ouais, ouais. Tu te souviens du titre En résumé, en conclusion. Voilà. Qu'elle chante d'ailleurs elle-même aussi. Il y a aussi Diane Tell et Patrick Juvet. Solitude. Voilà, un de ses derniers succès. Enfin, demi-succès, on va dire. Oui, dans les années 90. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis Julien Clerc. Ouais, avec Fais-moi une place. Les deux, on en fait une version différente. Très, très belle chanson. Très belle chanson, voilà. Alors, dans ces années-là, elle se consacre de plus en plus à l'astrologie. Elle écrit des bouquins, elle est invitée même dans les radios pour parler de ça. Beaucoup de ses complices, comme Étienne Dao, par exemple, tentent de la faire revenir à la chanson. Mais elle, ça lui dit rien. Elle est beaucoup invitée dans des featuring, notamment avec Iggy Pop, le groupe R, Malcolm McLaren, hein, qui sont quand même des grands noms et tout. Ouais, Blur. Et Blur, bien sûr, voilà, ouais. Donc, tout ça fait de très bonnes chansons, mais Françoise attendra 96 pour revenir avec un album assez rock qui marchera pas. Ça s'appelle Le Danger. Ouais, avec une pochette rouge. Rouge, un petit peu. Voilà. Sombre, comme ça. C'était violente. C'était violent et les gens n'ont pas apprécié. Mmh. Voilà. Il faudra attendre les années 2000 pour que Françoise revienne enfin avec un bon succès. D'ailleurs, une vieille chanson de Mireille, donc retour aux sources quelque part. Mmh. Et de Jean Nohain, donc là on est oui, au 36 chandelles. On est en 1900. Enfin. Voilà, donc là bon, on vous parle d'un temps que les moins de. Hein. Ouais. Et la chanson s'appelle Puisque vous partez en voyage, et donc un clip avec Jacques Dutronc encore, ouais. Ils sont toujours inséparables, les deux là d'ailleurs, ils sont toujours mariés, hein, même s'ils vivent séparément. Et puis donc, les années 2000, ça sera des albums réguliers, tous les deux ans à peu près, tous les deux, trois ans, et qui vont se classer dans les top 10 à chaque fois. Françoise a vraiment un public, un grand public, un grand public fidèle. Et en 2004, donc, alors qu'elle est malheureusement atteinte, alors c'est un lymphome, je crois qu'elle a eu, assez grave, elle écrit une magnifique chanson. Qu'on va écouter en entier parce que vraiment c'est la plus belle. Je pense que c'est la plus belle chanson alors qu'elle dédie d'abord à son fils Thomas et puis ensuite au grand public parce que... Ouais, avec des paroles comme « Entre ciel et terre, se trouve le plus beau des mystères. Ah, » enfin, la source blanche dans ton âme, c'est magnifique. Les paroles sont magnifiques. Voilà, donc on vous propose de l'écouter si vous ne la connaissez pas. Ça n'a pas été non plus un énorme succès, mais franchement, écoutez... C'est avec ça qu'on finit ? Oui, c'est la dernière chanson de Françoise. Bon, après, vous dire que, bon, en ce moment, évidemment, elle fête ses 60 ans de carrière, mais elle a rechuté un petit peu, donc elle n'est pas très bien. Quand on l'entend parler en interview, c'est beaucoup de la fin de vie, de tout ça. Mais on espère qu'il y aura peut-être encore un album. Le dernier date de 2018. Et on peut finir par tant de belles choses. On pense à elle. On pense à elle, ouais. On l'embrasse, hein. On l'embrasse carrément. On pense bien à elle. Voilà, tant de belles choses, donc. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. La source blanche dans ton âme. Tant de belles choses, c'est beau, hein? Magnifique. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, ben c'est le moment de la saga, la saga du jour. La saga africaine. Ah, ben la saga du jour, c'est Stock, Aitken and Waterman. Yo. Alors, ce seront trois compères qui vont se rencontrer dans les années 80, dans, au début des années 80, 83, 84, et qui vont décider, ça se passe en Grande-Bretagne, hein, à Londres, et ils vont décider de s'unir ensemble et de fonder une maison de production. Donc, leur style, c'est de la high energy. C'est un peu emprunt de la Motown pour les paroles, c'est très optimiste, hein, c'est très gentil. Je t'aime pour toujours, rien ne pourra m'empêcher de t'aimer, voilà, c'est très comme ça, c'est très rose bonbon, c'est très propre. Ça dépasse pas, ça reste bien dans les carrés, ils sont bien coiffés. Les artistes qui produisent, à part une qui sera Divine. Ah. Divine, qui, comme on le sait, est un, enfin pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un monsieur transsexuel. On dit transgenre aujourd'hui. Et donc qui fait une carrière habillé en femme. Hein, c'est le premier d'ailleurs. Avec qui chante avec une voix comme ça. Donc c'est de la high energy, donc c'est très énergique hein, comme musique. Et puis Dead or Alive être le deuxième, leur deuxième production. Et donc ça va bien marcher, ça va se classer très bien dans les parades, à tel point que les Bananarama, qui sont un petit peu en perte de vitesse, vont demander à Stock, Aitken and Waterman de produire leur prochain single, qui est une reprise des Chuckin Blues, qui s'appelle Venus. Et donc, elles vont enregistrer sous le label des Stock, Aitken and Waterman. Et la chanson va se classer parmi les premières places dans les hit parades du monde entier. Ça va être un énorme succès pour les Bananarama. Et il y a une petite nouvelle qui arrive en 90, qui s'appelle Lonnie Gordon, qui est américaine. Et qui va classer un titre dans les premières places des hit-parades en Grande-Bretagne. Et ça s'appelle Happening eh ben, je All sais Over Again. C'est yeah. ça. C'est ça. Gadget, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Lonnie Gordon, Happening All Over Again. Ah, j'ai réussi à le dire. Je ne suis pas si gâteux que ça. Super, super. Vous êtes toujours dans l'émission Les Papy Pop sur Radio Fadjet 94.2 FM. Merci d'être avec nous et de nous écouter. On va continuer la saga Stockett Ken Waterman. Alors, ils vont produire plein d'artistes. C'est invraisemblable tout ce qu'ils vont produire. Ils vont même aller repêcher des artistes oubliés et en fin de parcours. Et parmi tous ces artistes, il y a une petite qui arrive, qui s'appelle Sonia Evan, qui va chanter sous le seul nom de Sonia. Alors, elle est rigolote, hein. Elle n'est pas grande, elle est un peu boulotte. Oui. Elle est toute simple. Ça pourrait être la caissière du supermarché du coin. Hein. Oui. Et physiquement, elle ne paye pas de mine, mais elle est souriante, hein, le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un peu la bonne copine de Kylie Minogue, hein, ouais. qui va être aussi produite par Stockett Ken Waterman. Et donc, un peu, je la soupçonne même de prendre les chansons que Kylie Minogue ne veut pas enregistrer. Ah, tu vois, c'est bien possible. Et aussi, c'est un peu la bonne copine, tu sais, dans les films d'horreur, celle qui se fait assassiner à la place de l'héroïne. Mais oui, mais justement, parce que Stock, Atken et Waterman, si tu prends leurs initiales, ça fait Saw. Oui, c'est vrai. C'est un film d'horreur. S-A-W. Ouais, c'est vrai. Tu crois pas qu'il y a quelque chose là? Bah, on va écouter Sonia. Attention, ça sera plus sympa. Attention. Un peu basé sur le même rythme. Le même rythme, hein. Les chansons se ressemblent toutes. D'ailleurs, quand on essaye de chanter a cappella comme ça pour nous-mêmes, on ne se rappelle plus très bien ce qu'on doit chanter parce que c'est interchangeable. Ouais, tout se ressemble. Ouais, tout se ressemble. Et voilà. Donc ça, c'était Sonia, Listen to Your Heart. Et il y a un monsieur qui va arriver. Il n'y a pas beaucoup d'hommes hein, dans les productions Stockett Ken Waterman. Ouais, ouais. Et ça va être l'énorme succès pour ce monsieur qui s'appelle Rick Astley. Prononcé Astley, hein, Astley, pas Ashley, Astley, hein, c'est Astley. Astley. Pendant des années, j'ai dit Ashley, mais non, Astley, c'est Rick non, c'est Astley. Alors, lui, bah, il plaît bien, hein, il plaît aux filles, il plaît aux hommes, il plaît à tout le monde, il plaît aux grands-mères aussi. Il est bien propre sur lui, costume, cravate, il a une petite bouille de bébé. Oui, petit bébé cadome. Ouais, il est mignon comme tout. Et puis, il a une voix lyrique. Ah oui. Une voix d'homme, surtout. Ça, c'est incroyable, cette voix qu'il a. Ouais. Et alors, il va squatter les hits parades pendant plusieurs années, hein, pendant au moins 5 ans, ça va marcher tonnerre. Il va sortir tube sur tube. Enfin, tout le monde craque pour Rick Astley. L'un des bonnes ondes avec Fadjet. Rick Astley, Together Forever. T'as pas oui, un petit j'ai, truc j'ai à nous une dire petite anecdote, oui. À l'époque, quand Rick Astley chantait ça, il y a une rumeur persistante qui disait que, en fait, c'était la voix de Kylie Minogue au ralenti, au 33 tours, hein, comme disait à l'époque. Ah ouais, il ouais, faudrait ouais, tester ça. Et y a beaucoup, oui, il faudrait tester, ça serait marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent encore. Voilà, Rick Astley, Kylie Minogue, c'est une seule et même personne. Alors ouais, que, voilà. Mais tu sais qu'à l'époque, ils ont été très, très critiqués. Hein. Ils ont eu beaucoup de succès, ça a eu beaucoup de succès, les productions Stock & Ken Waterman, mais ils ont été très, très critiqués ouais, parce qu'on disait que c'était de la musique jetable. De la daube. De la daube, de la musique qu'on mettait à la... Enfin, mais comme tous ceux qui ont du succès d'ailleurs. Hein, bah moi, j'ai fouillé mes poubelles, j'ai ressort des titres comme ça, hein, parce que je trouve ouais, que c'est ouais, frais, c'est, ouais, c'est léger. On ne se pose pas de questions. Non, ben bah voilà. Puis il faut tout pour faire un monde. Puis c'est la jeunesse, la voilà. C'était beaucoup de jeunes hein, qui chantaient ça. Hein. Rick Astley, il avait quoi, 22 ans ouais. Kylie, elle débutait aussi. Ouais. On va passer au duo. Hein. Ah, le duo. C'est la réponse à notre chanson qui a osé reprendre en français ou c'est l'heure du duo? Ah, alors bonne question. J'ai pas question. Pris ma pilule ce matin. Je ne sais pas où on en est. J'ai pas pris ma pilule ce matin comme... c'est peut-être le... Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas du tout. Bah écoute, on va parler, on va voir. Hein, on va voir ce que c'est qui, bah, oui, c'est... qui sort. Ah bah c'est l'heure du duo. Ah. Alors, le duo, c'est Mick Jagger et Bowie. Hey. Pour la petite histoire hein, de cette chanson, bah, ça a été repris dans les années 60. Ah oui, c'est Martha Anne Vandellas qui a chanté ça pour la première fois dans les années 60, et en 65 exactement. Et à cette époque, ça a été repris par Richard Anthony, non, qui a osé reprendre ça en français. Celui qui a fait du mal à Françoise Hardy. Ouais, oh. La chanson a servi pendant les révolutions des Noirs américains. C'était un peu le leitmotiv vives de ces révolutions-là dans, je ne sais pas quelle année c'était, les révolutions des Noirs 68. Ouais, entre les, dans les années là. Ouais, entre 66 et 71. Black Power, tout ouais, ça. Ouais, c'est ça. Donc, et puis alors, l'idée de reprendre cette chanson en duo est venue au moment en 85, hein, c'est sorti en 85, et c'est au moment de, où tout le monde a pris conscience de la famine en Éthiopie, qui était terrible. Terrible à l'époque. Ouais. Donc, en France, on a fait les chansons pour l'Éthiopie, il y a eu les Anglais qui s'y sont mis aussi. Et donc, Bowie et Jagger ont enregistré cette chanson suite à un concert en faveur de la famine en Éthiopie. Donc ouais. Voilà pour comment est né ce duo improbable. Ah oui, improbable. Entre, en même temps, entre deux compères qui se connaissaient qui bien. Se connaissent quand même. Il voilà. Y a même une rumeur comme quoi ils auraient été amants. Oui. Ça, on va pas le dire. Et que la femme de Bowie aurait surpris. Oh, oui. Alors ça, j'ai lu. Oh, ah, ça, c'est grave. Oh là là. Oui, il faut vite oublier ça. Ouais. Bah, on arrive. Tout doucement bah, à la fin. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Première émission. Oh, hein, j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé avec nos radoteries de pépé. Hein, parce que nos vieilles histoires. Hein, hein. Nos vieilles histoires. Et on ne va pas oublier la... Qui a osé. Ah ouais, qui a osé. Qui a osé reprendre Eurythmix. L'outrecuidance. Qui a eu l'outrecuidance de prendre... Alors, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Non. C'est Sylvie Vartan. Oh là là, oh la vilaine. Et elle a choisi le titre, en plus, « Déprime, à quoi tu rimes ?» Oh là là, on vous dit au revoir, et en espérant que vous n'allez pas déprimer sans nous. Ah non, parce que alors là... Et puis à la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. J'ai le sourire à l'épreuve de tout. Déprime, à quoi tu rimes? Avec ces choix que tu abîmes. Passe ton chemin, tu as mauvaise mine. Ton image de marque décline. Que tu abîmes, passe ton chemin.